On va commencer tout de suite, Inch'Allah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 76 dans l'explication du livre de Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, Kitab al-Tawhid. Et c'est avec le charh de son petit-fils, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, rahimahullah, qui s'intitule Qurrat Uyun al-Muwahhidin. Et ce livre, en fait, Qurrat Uyun, yani Qurrat Uyun ou Qurrat Ayn, on peut le traduire si on veut avec. En français, quand on le traduit, on pourrait le traduire en disant la prunelle de l'œil des Muwahhidin, hein, ou la prunelle des yeux des Muwahhidin. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est précieux pour les gens du Tawhid. Hein, c'est ce que ça signifie. Et les commentaires de Cheikh Al-Fawzan sur ce livre. Au dernier cours, on a commencé le chapitre 7 au sujet du shirk dans le fait de porter des colliers ou des bracelets ou des amulettes ou des talismans ou des gris-gris dans le but de repousser ou d'enlever un mal ou de protéger contre un mal. On a commencé à expliquer les choses qui ont été mentionnées à ce sujet-là. Et dans le chapitre en question, il y a plusieurs hadiths. Il y a un verset, il y a des hadiths qui sont mentionnés. Donc le premier verset que le cheikh a cité, c'est le verset 38, pardon, dans Sourate Az-Zumar. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. C'est-à-dire que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au Muhammad, à ses mushrikin et aux gens en général, dis-leur, voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Si Allah m'a voulu un mal, est-ce qu'elles seront capables, ces idoles, de me délivrer de son mal? Ou si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu une miséricorde pour moi, est-ce qu'elles pourront empêcher sa miséricorde de me parvenir? Dis, Allah me suffit. Hein? Dis, Allah me suffit. C'est sur lui que doivent mettre leur confiance ceux qui mettent leur confiance. Et donc, on avait commencé à parler de ce verset. Et on avait commencé à expliquer le chapitre. Le cheikh, maintenant, il continue, il donne une citation. Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit « وَقَالَ مُقَاتِلْ فَسَأَلَهُمُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَسَكَتُوا لِأَنَّهُمْ لَا يَعْتَقِدُونَ ذَلِكَ فِيهَا قُلْتُ إِذَا كَانَتْ آلِهَتُهُمْ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لا قدرة لها على كشف ضر أراده الله بعبده أو إمساك رحمة أنزلها على عبده فليلزمهم بذلك أن يكون الله هو معبودهم وحده لزوما لا محيض لهم فيه أو لا محيض لهم عنه. وذكر تعالى مثل هذا السؤال عن خليله إبراهيم لما حاجه في الله أو لمن حاجه في الله فقال أنا أحي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين فأقام الله تعالى الحجة على المشركين بما يبطل شركهم بالله وتسويتهم غيره به في العبادة بضرب الأمثال وغير ذلك وهذا في القرآن كثير كقوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. Donc on va traduire jusqu'ici dans les propos de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan. Il dit donc que par rapport à ce verset qu'on a lu, Muqatil ibn Hayyan, un des imams parmi les imams du tafsir, parmi les salaf, parmi les tabi'in, il explique en disant que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé cette question aux mushrikin, ils se sont tus. C'est-à-dire, ils ne pouvaient rien dire. Hein? Ils ne pouvaient rien dire. Pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient pas réellement que ces idoles-là étaient capables de faire quoi que ce soit de ce genre. C'est-à-dire, ils savent très bien que leurs idoles ne peuvent pas repousser un mal que Allah a voulu pour quelqu'un. Et que ces idoles ne peuvent pas non plus empêcher une miséricorde de toucher à quelqu'un si Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a posé cette question, ils n'ont rien dit. Ils ne savaient plus quoi dire. Et le Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet, « Sa'al al-mushrikina, lamma amarahu Allahu an yas'alahum, sa'alahum, sallallahu alayhi wa sallam, fasakatu, wa lam yujibu, li'annahum laysa indahum jawab. » Donc, le cheikh, il leur a posé la question et ils n'ont pas été capables de répondre. Hein? Et ça prouve la fausseté de leur religion, la fausseté de leur pratique, la fausseté du shirk qu'ils font. Après, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit, si les choses qu'ils adorent et les divinités et les idoles qu'ils adorent en dehors d'Allah n'ont pas la capacité et le pouvoir de délivrer quiconque d'un mal que Allah a voulu pour son serviteur ou de retenir une miséricorde que Allah a fait descendre sur son serviteur, alors ça implique qu'il devrait prendre Allah seulement comme objet d'adoration. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas adorer rien d'autre que Allah, puisque personne ne peut leur faire une miséricorde ou retirer un mal excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc s'ils savent ça, alors pourquoi dans ce cas-là ils persistent à vouloir adorer des idoles ou adorer d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala? Et ça s'applique à toute personne qui fait du shirk, peu importe la forme de shirk qu'il fait, que ce soit dans le fait d'adorer par exemple chez les chrétiens qui prient à Jésus ou qui prient à Marie, ou que ce soit chez des bouddhistes qui prient à Bouddha, ou que ce soit chez des hindous qui prient à Rama ou à Vishnu ou à Krishna ou à n'importe quel autre, Ganesh ou n'importe quelle autre divinité parmi les divinités hindoues, la même chose. Hein? Ils n'ont pas le pouvoir de repousser un mal ou de ramener un bien, excepté que en réalité c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a le pouvoir de ça. Et eux, ils n'ont aucun pouvoir parce qu'elles sont créées, elles sont fabriquées, ces créatures-là. Elles sont créées, ces idoles-là. Hein? Et donc, le cheikh, il explique que s'ils réalisent ça et s'ils sont conscients de ça, alors dans ce cas-là, pourquoi ils ne délaissent pas ça pour se vouer à adorer Allah seul? Et c'est l'exemple que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné aussi dans l'exemple de Ibrahim al-Khalil, le bien-aimé d'Allah. Lorsque quelqu'un a voulu débattre avec lui à propos d'Allah, c'était un Nimrod, le tyran de l'époque. Lorsque Ibrahim alayhi salam est venu vers lui, il a dit, mon Seigneur est celui qui fait vivre et qui fait mourir. Il a dit, moi aussi je peux faire vivre et je peux faire mourir. Il a ramené deux hommes, il en a tué un et l'autre il l'a laissé vivre. Il a dit, tu vois, je l'ai tué et lui, je le laisse vivre. Donc ça, c'est, moi aussi, j'ai ce pouvoir. Alors, Ibrahim, alayhi salam, il lui a donné un argument et une preuve qu'il ne pouvait pas réfuter. Il lui a dit, eh bien, si tu crois que réellement tu es capable de faire ça, alors dans ce cas-là, essaie de le soleil, tu vois qu'il se lève à l'est, essaie de le faire lever à l'ouest. Hein? Alors il est resté bouche bée, il ne pouvait plus rien dire. Pourquoi il ne pouvait rien dire? Parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas le pouvoir de changer la direction du soleil. Hein? Et ça, c'est n'importe quelle personne sur terre qui prétendrait avoir un pouvoir quelconque dans la création. S'il a ce pouvoir, qu'il fasse lever le soleil à l'ouest s'il est capable. Hein? Et donc tout ça, c'est pour dire que ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah ne mérite pas d'être adoré, et c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, qui mérite d'être adoré. Et donc le cheikh, il explique, cheikh al-Fawzan, il dit, وَهَذَا هَذَا النِّمْرُودَ الْمَلِكُ الْجَبَّارِ لَمَّا قَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ الْجَبَّارَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ومعنى أحيي وأميت يقول يعفو عن رجل كان مستحقا للقتل فيكون قد أحياه، ويأتي بآخر ويقتله فيكون قد أماته، وهذا من باب المكابرة. فإبراهيم أعرض عن هذا ولم يرد عليه، ولكن جاء له بشيء لا يستطيع التحيل فيه. قال له: إذا كنت تحيي وتميت كما تزعم، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر فاختزى أمام الناس مع أنه مالك جبار، فلم يستطع الجواب. كذلك المشركين: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ بهتوا ولم يستطيعوا الجواب. Et donc, le Cheikh, il explique justement le contexte de cette histoire avec Ibrahim alayhi salam. Lorsque Ibrahim lui a dit que Allah, c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir, Al-Nimrod, il sait très bien que ce que Ibrahim est en train de dire, c'est quelque chose que lui, il n'est pas capable de faire. Parce qu'il n'est pas capable de faire vivre ce qui est mort. Et il n'est pas capable de, c'est-à-dire... de faire mourir yani, de lui-même. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la vie et qui donne la mort. Mais il a voulu se montrer arrogant. Et donc il a voulu essayer de disputer avec Ibrahim alayhi salam sur quelque chose qu'il sait très bien que c'est pas ce que Ibrahim alayhi salam a voulu dire. Parce que si quelqu'un est mort, est-ce que lui... Nimrod, il était capable de le faire revivre? Il n'est pas capable de le faire revivre. Mais Allah, il est capable. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de jouer, il a essayé de se montrer intelligent. Alors il a amené deux hommes. Un qui méritait d'être mort ou d'être tué, parce qu'il devait être exécuté, il l'a laissé en vie. Et l'autre, il l'a tué. Et tout ça, c'est de l'arrogance. Mais... Ibrahim, il n'est pas rentré dans l'argumentation avec lui. Ibrahim, alayhi salam, n'est pas rentré avec lui dans l'argumentation pour dire « Non, ce n'est pas ça ce que j'ai voulu dire. C'est pas ce que tu as fait, ça, c'est pas... C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de ça. Allah, il fait vivre celui qui est mort. Et ainsi de suite. Il a laissé tomber cet argument. Il lui a donné un autre argument qu'il sait que il ne sera pas capable de ruser avec. Il ne sera pas capable de ramener quelque chose d'autre pour essayer de détourner la chose. Alors il lui a dit, Allah fait lever le soleil de l'est. Fais-le venir de l'ouest. Alors il était bouche bée. Il n'a pas pu rien dire devant les gens. Alors que c'était le roi, le tyran de cet endroit-là. Mais il n'a pas pu... argumenter avec Ibrahim sur ce fait-là. De la même manière que les mouchriquines à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il leur a posé la question, voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Si Allah m'a voulu un bien, si Allah a voulu à quelqu'un un mal quelconque, est-ce que ces divinités, ces idoles, seraient capables de m'en délivrer de ce mal? Et s'il a voulu une miséricorde pour moi, est-ce que vos divinités seraient capables de retenir cette miséricorde d'Allah? Ils ont été bouche bée. Et il faut poser la même question aux chrétiens aussi. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il veut une miséricorde pour quelqu'un, est-ce que Jésus est capable de l'empêcher? Si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'un mal tombe sur une personne, est-ce que Jésus est capable de l'empêcher? Non. C'est un serviteur parmi les serviteurs, une créature parmi les créatures. Il est créé comme les autres créatures sont créées. Donc il n'a pas le pouvoir de changer ou d'empêcher ce que Allah veut. Si Allah veut quelque chose, Jésus ne peut pas empêcher Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un prophète, un messager. Alors le cheikh il explique ensuite, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a donc établi la preuve contre les mouchriquines avec des arguments qui détruisent complètement les formes d'idolâtrie et de shirk qu'ils font. Et lorsqu'ils essaient de mettre à égalité avec Allah leurs idoles et leurs objets d'adoration qu'ils adorent en dehors d'Allah. Ils essaient de les mettre à égalité avec Allah dans l'adoration, en les adorant. Et donc, yani, ils essaient de faire des comparaisons ou des exemples comme ça. Et le Cheikh dit Al-Qur'an kulluhu براهين وأدلة على التوحيد والرد على الشرك والمشركين ولكن يحتاج إلى تدبر وتأمل. Il dit le Cheikh Al-Fawzan que le Coran au complet est rempli de preuves et d'arguments au sujet du tawhid et de l'unicité d'Allah et de réfutation contre le shirk et contre les mushrikin, mais cela demande de la réflexion, hein, et de la méditation. Il faut réfléchir là-dessus, il faut comprendre les exemples que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Et il dit, et il y a beaucoup, beaucoup d'exemples à ce sujet-là dans le Coran. Et il mentionne le verset 73 dans Surat al-Hajj, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala donne un exemple qui est frappant, hein, et percutant pour les mushrikins. Il dit dans ce verset ce qui signifie « Ô vous les hommes, une parabole vous a été proposée, écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne seraient même pas créés une mouche, quand même ils s'uniraient tous pour le faire. Et si la mouche les dépouillait ou leur ravissait quelque chose, ils ne seraient pas capables de la reprendre à cette mouche. Hein? Le solliciteur et le sollicité sont donc faibles tous les deux. Hein? Donc ça, c'est la preuve. Hein? C'est la preuve, un autre exemple. Tu adores quelque chose en dehors d'Allah parmi les créatures. Peu importe qu'est-ce que ça peut être. Il ne peut même pas créer une mouche. Et toi, tu l'adores. Hein? Alors, il ne mérite pas d'être adoré. Adore le créateur. Alors, adore Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh Al-Fawzan, il dit... الله تحدى آلهتهم كلها وتحداهم أن يخلقوا ذبابا أضعف المخلوقات فلم يستطيعوا فدل على بطلان آلهتهم لأنها عاجزة وهذا المثل الذي ضربه الله باق ومستمر إلى يوم القيامة لجميع الناس يتحداهم تعالى أن يخلقوا هذا الذباب الضعيف ولم يستطع أحد أن يخلق وأن ينفخ الروح في هذه الأشياء لأن هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى الناس يصورون صورا وينحتون التماثيل فإذا رأيتها تظنها إنسان متكاملة في ملامحها وفي صفاتها ولكن ليس فيها روح ولا يستطيعون أن ينفخوا فيها الروح ولا يستطيعون أن يجعلوا فيها دم ولحم وعروق وبصر وسمع إنما الصورة فقط وهذا تعجيزهم. Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a défié, hein, il a défié toutes les idoles et les divinités. Il les a toutes défiées de créer une mouche. Alors que la mouche, c'est une des plus petites créatures qui existent, une des plus faibles créatures qui existent. Ils n'ont pas été capables de la créer. S'ils ne peuvent pas créer une mouche, ils peuvent encore moins créer quelque chose de plus grand que la mouche. Hein? Ils peuvent encore moins créer un être humain, un animal, ou une plante, ou de créer une planète, ou une galaxie, ou une constellation, ou peu importe. Hein? Ils ne peuvent rien créer. Donc, ils ne peuvent même pas créer un moustique. Et ça, c'est la preuve de la fausseté de ces idoles et de ces divinités que les mushrikines adorent en dehors d'Allah. Elles sont incapables de faire quoi que ce soit. Et dans l'exemple que Allah subhanahu wa ta'ala a donné ici, il dit le cheikh que cet exemple-là, il reste valide jusqu'au jour de la résurrection. pour tous les hommes. Le défi est lancé pour toutes ces divinités, hein, toutes ces divinités qui sont adorées par les hommes et qui sont des divinités fausses. Il les a défiées de créer un moustique ou une mouche et ils n'ont jamais été capables. Il dit, ils ne seront jamais capables de créer cette mouche et de souffler une âme dedans ou de la faire vivre. Hein? Parce que ça fait partie des caractéristiques exclusives d'Allah. Et il dit, les hommes, ils peuvent fabriquer des poupées, hein? Ou des statues en forme d'animal, en forme d'être humain. Et ils sont capables de les sculpter de façon très, très précise. Si tu les regardes, ces statues qu'ils fabriquent, tu pourrais même croire que ce sont des vrais êtres humains. Il dit, ils sont tous bien dessinés, bien formés, bien sculptés dans les caractéristiques qu'ils ont. Sauf qu'ils n'ont pas d'âme. Hein? Et ils ne sont pas capables d'insuffler en ces statues une âme pour faire en sorte qu'elles aient du sang, des veines, de la chair, des muscles, des yeux, une vue, une ouïe, et ainsi de suite. Non. C'est seulement une image, hein, une forme, mais elles sont incapables de faire quoi que ce soit. Ils les ont fabriquées eux-mêmes, ces statues. Elles ne peuvent rien faire. Et le cheikh, il dit, c'est un autre verset, il dit, « وَقَالَ تَعَالَى مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَا كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Donc le cheikh, il dit dans ce verset, qui est le verset dans Surat Al-Ankabut, le verset 41 à 43, il dit l'exemple de ceux qui ont pris des égaux, des divinités en dehors d'Allah. Il dit l'exemple de ces gens-là, c'est l'exemple comme l'exemple de l'araignée qui a pris comme maison la toile, hein, sa toile. Il dit, et la plus faible des maisons, c'est la maison de l'araignée. Hein? Donc ça, c'est l'exemple des mouchriquins qui adorent des choses en dehors d'Allah et qui prennent des égaux avec Allah et qui adorent d'autres avec Allah. C'est comme l'araignée qui a pris sa maison. Sa maison, c'est la toile. Et la toile de l'araignée, c'est la plus faible des maisons. Hein? Si seulement ils savaient. Certes, Allah sait ce qu'ils invoquent en dehors de lui. Hein? Il sait tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui et il est le puissant et le sage. Et ces exemples que Allah donne, hein, c'est des exemples qu'il donne et des paraboles qu'il donne pour les hommes, mais seuls les savants, ceux qui ont la connaissance, sont capables de les comprendre, ces exemples, et de tirer des leçons et de réfléchir à ces exemples-là. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit, وبيت العنكبوت لا يبقي من لا يقي من الحر او لا يقي من الحر ولا من البرد ولا يظلل من الشمس فوجوده كعدمه وكذلك آلهة المشركين لا تنفع ولا تضر فوجودها كعدمها سواء مثل بيت العنكبوت ايضا بيت العنكبوت ضعيف جدا. أي شيء يمسه لا يستطيع البقاء والمدافعة كذلك هذه الآلهة يعني ضعيفة جدا ضعيفة جدا. Le cheikh, il explique, il dit que les maisons des araignées, elles ne protègent pas contre le froid ni contre la chaleur. Elle ne te fait pas de l'ombre, hein, pour te protéger du soleil. Donc sa présence et son absence, c'est la même chose. Et la même chose que ces divinités et ces idoles, ces fausses idoles, elles ne peuvent pas te profiter et elles ne peuvent pas te nuire. Donc leur existence et leur absence, c'est la même chose. qu'elles soient là ou qu'elles ne soient pas là, c'est pareil. Parce qu'elles ne font rien, elles ne changent rien du tout. Hein? Donc, elles sont comme les comparables aux maisons de l'araignée. Et en plus, l'araignée, sa maison, elle est faible. N'importe quelle chose qui tombe dessus ou qui la touche, elle se détruit. Hein? Elle peut pas supporter. Elle peut pas repousser. Alors, il dit, c'est la même chose que ces idoles. Ces idoles-là sont faibles aussi. Donc, les idoles que les mouchriquins adorent en dehors d'Allah, c'est comme des toiles d'araignée, la même chose. Ça ne protège contre rien et ça ne rajoute rien du tout. Hein? Et il dit ensuite, hein, puis aussi on voit, regardez, qu'est-ce que l'araignée, il construit sa toile. Qu'est-ce qu'il peut attraper dans sa toile? Il peut juste attraper d'autres insectes qui sont faibles comme lui. Hein? Et ça, c'est l'exemple peut-être aussi des mouchriquines qui tombent dans les pièges justement de cette araignée-là, dans la toile de l'araignée. Mais les êtres humains qui sont forts et qui sont intelligents et qui comprennent les choses de la réalité, ils ne vont pas tomber dans ces pièges-là. Ils ne peuvent pas se faire arrêter par ces choses-là. Donc ça, c'est l'exemple. Hein? De la faiblesse des mouchriquines et de leurs fausses croyances. Le cheikh, il dit ensuite, le verset 20 et 21 dans Sourate An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ » Il dit dans Sourate An-Nahl, le verset 20 et 21, ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne peuvent rien créer. Ils sont eux-mêmes créés. Ils sont eux-mêmes des créés. Wahum yukhlaqun. Ils sont créés eux-mêmes. Et il dit, ils sont morts et ils ne sont pas vivants. Et ils ne réalisent même pas eux-mêmes quand est-ce qu'ils vont être ressuscités. Donc ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah, c'est la même chose. Les idoles, les statues, hein? Ça, c'est des exemples des divinités des mouchriquines, mais il y a aussi d'autres divinités des mouchriquines qui sont des êtres humains, qui sont morts. Parce que parmi eux, il y en a qui prient à des hommes pieux, il y en a qui prient à des saints, des hommes qui ont été bons, mais qui sont déjà morts, qui sont enterrés. Des fois aussi, c'est des femmes qu'ils adorent en dehors d'Allah. Et ils vont à leur tombe, et ils les prient, ils les adorent en dehors d'Allah. Tout ça, c'est des exemples de shirk. Hein? Et c'est des exemples d'idolâtrie, des gens qui font de l'idolâtrie, même s'ils n'adorent pas des idoles, mais c'est du shirk qu'ils font quand même. Et donc, quand ils vont aller, par exemple, prier Marie, les chrétiens, Marie, elle est morte, elle est enterrée. Hein? Elle ne peut rien faire pour eux. La même chose pour ceux qui vont prier à Jésus. Jésus, hein, c'est un être humain. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé vers lui, mais ils ne peuvent pas le voir. Ils ne peuvent pas le voir, ils ne peuvent pas le toucher. Hein? Et Jésus ne peut pas venir les aider s'ils ont besoin d'aide. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils doivent invoquer et non pas Jésus. Hein? La même chose aussi avec les soufis, les gens qui disent qu'ils sont musulmans et qui prient à des saints, hein? Et qui demandent l'aide de leurs saints, Abdul Qadir al-Jilani ou Ahmad al-Tijani ou Ahmad al-Bamba ou bien al-Shazili ou al-Rifa'i ou al-Saharwardi ou al-Jisti ou al-Butchishi ou je ne sais pas quel autre encore. Hein? Tous ces gens-là qui prient à des tombes, qui prient des morts et qui demandent leur aide au lieu de demander à Allah. Tout ça, c'est la même chose. C'est du shirk. Ils n'ont rien créé et eux-mêmes sont créés. Hein? Donc Allah dit, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, ils ne peuvent rien créer et ils sont eux-mêmes créés. Et ils sont morts, et ils ne sont pas vivants. Donc, s'ils sont morts, comment ils peuvent vous aider? Même ceux qui prient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, il ne peut pas t'aider. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut t'aider. Et les soufis, ils disent, non, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les prophètes sont vivants dans leur tombe. Hein? Même Allah, il dit que les martyrs, Allah, il dit dans le Coran que les martyrs, ils ne sont pas morts, ils sont vivants dans leur tombe. Mais la vie de la tombe, ce n'est pas comparable à la vie de cette vie d'ici-bas. Hein? La vie de la tombe, c'est la vie du barzakh. Ce n'est pas comparable à cette vie dans ce bas monde. Ils ne peuvent rien faire pour nous. Les morts qui sont dans leur tombe et qui sont dans le barzakh, ils ne peuvent rien faire pour les vivants dans ce bas monde. Chaque monde est séparé par une barrière. Ils ne peuvent pas revenir. Et nous, on ne peut pas y aller, excepté si on meurt. Hein? Mais eux, ils ne comprennent pas. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh, il dit à propos de ce verset, « La yakhluqoun ». لا يخلقون شيئا هذه صفة مشترك يشترك فيها كل المخلوقات مهما أوتيت من القوة والقدرة الآن الذين يخترعون الصناعات والطائرات والمراكب والقاذرات والقذافات والصناعات الدقيقة لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا ولا ذرة ولا نملة فدل ذلك على عجزهم وضعفهم. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset, ils ne peuvent rien créer. Il dit ça, c'est une caractéristique commune de toutes les créatures. Peu importe qu'est-ce qu'elles ont reçu comme force ou comme capacité aujourd'hui de faire toutes sortes de nouvelles inventions, de faire des avions, de faire des bateaux, de faire des objets, des fusées qui vont dans l'espace. Hein? Peu importe qu'est-ce qu'elles arrivent à créer ou à fabriquer. Hein, mais ils ne peuvent rien créer à partir de rien. Hein? Ils peuvent seulement prendre ce que Allah a créé et essayer de le transformer pour faire quelque chose d'autre avec. Mais créer quelque chose à partir de rien, à partir du néant, ils ne sont pas capables de faire ça. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut faire ça. Et même une mouche, ils ne peuvent pas créer. Même un atome, ils ne peuvent pas créer. Même une fourmi, ils ne peuvent pas créer. Ça, c'est la preuve qu'ils sont faibles. Hein? Et c'est la preuve de leur faiblesse. Et donc, le cheikh, il dit ensuite, « Wa dhakara al-imad ibn Kathir, rahimahullah fi hadhihi surah, fi hadhihi al-aya, wa ma rawahu ibn Abi Hatim, an Qais ibn al-Hajjaj, an Hanash al-San'ani, عن ابن عباس مرفوعا احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك جفت الصحف ورفعت الأقلام واعمل لله بالشكر في اليقين واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Ça, c'est un grand hadith. Hein? Ça, c'est un grand hadith. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a rapporté. Hein? Et ici, il cite la narration que Ibn Kathir a rapporté par rapport à ce verset dans son tafsir. Il dit que il est rapporté sur Abdullah ibn Abbas que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, hein, « Garde Allah et Allah va te garder. » Garde Allah, c'est-à-dire garde les commandements d'Allah. Allah va te garder. Hein? Préserve Allah en voulant dire préserve ses commandements et Allah subhanahu wa ta'ala va te préserver et tu vas le trouver devant toi, tu vas le trouver devant toi et apprends à connaître Allah dans les moments d'aisance et il va te connaître dans les moments de difficulté. Lorsque tu demandes, demande à Allah seulement. Lorsque tu cherches de l'aide, demande de l'aide à Allah seulement. Et sache que la Ummah, c'est-à-dire les hommes, s'ils se réunissent tous pour te faire un mal quelconque, mais que c'est quelque chose que Allah n'a pas écrit pour toi, eh bien, ils ne vont pas te nuire. Et s'ils se réunissent tous pour te faire un bien quelconque que Allah n'a pas écrit pour toi, eh bien, ils ne pourront pas te profiter en quoi que ce soit. La plume est séchée, hein? Les pages ont séché et la plume a été relevée. Et il dit ensuite, et sache et agis vis-à-vis d'Allah par la reconnaissance dans la certitude. Et sache que dans le fait d'être endurant face à quelque chose que tu n'aimes pas ou qui te déplaît, il y a un grand bien. Et sache que la victoire vient avec la patience. Et sache que la délivrance vient avec l'épreuve, la difficulté. Et sache qu'avec la difficulté vient la facilité. Et le cheikh, il explique par rapport à ces points-là, cheikh Al-Fawzan, il dit: هذا محل الشاهد من الحديث اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc ici le cheikh il explique quoi? Il explique que dans le verset qu'on a lu par rapport au fait justement que le verset 37 dans sourate 38 pardon dans sourate Az-Zumar, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit oh Muhammad, si Allah subhanahu wa ta'ala me veut un bien, est-ce que ces divinités pourraient empêcher ce bien, ou bien si un mal Allah subhanahu wa ta'ala me veut un mal, est-ce qu'elles peuvent me délivrer de ce mal? Si Allah me veut une miséricorde, est-ce qu'elles peuvent retenir la miséricorde d'Allah? Eh bien, il mentionne comme référence ou comme point par rapport à ce verset-là, le hadith suivant, dans lequel il dit, si les hommes se réunissent pour te faire un mal quelconque, hein, ou pour te faire un bien quelconque, ils ne pourront te faire que ce que Allah a écrit pour toi. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a le pouvoir sur tout. Et il est au-dessus de tout ce que les mouchriquins peuvent adorer en dehors d'Allah. Et il mentionne, il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les pages ont séché et la plume a été soulevée, ça veut dire, il dit, وَصُحُفُ الْقَضَى وَالْقَدَرْ أَقْلَامُ الْقَضَى وَالْقَدَرْ كُلُّ شَيْءٍ مَفْرُوغٌ مِنْهُ مُقَدَّرٌ لَا يُغَيَّرْ وَلَا يُبَدَّلْ. C'est-à-dire, les pages de la prédestination et de la destinée, hein, de la prédestination et du décret divin. La même chose que la plume avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a écrit le décret divin et la prédestinée, tout ça s'est terminé. Tout ce qui a été prédestiné a été écrit. Et il n'y a rien qui sera changé ou modifié à ce qui a été écrit déjà. Et ensuite, il explique, il dit donc que dans le reste du hadith, il dit, dans ce hadith-là qu'on a lu, il y a plein de conseil très important pour tous les musulmans de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nasa'iha 'azima min ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam li kulli muslim. Ensuite le cheikh il dit wa qawluhu, et donc là maintenant il va commencer à expliquer le deuxième hadith, ou bien plutôt le premier hadith, parce que le premier c'est un verset. Maintenant il commence à expliquer le hadith, le premier hadith de ce chapitre. Il dit wa qawluhu an Imran ibn Husayn anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin faqala ma hadhihi qala min al-wahina qala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan fa innaka law mutta wa hiya alayka ma aflahta abadan rawahu Ahmad بسند لا بأس به قوله عمران بن حسين أي ابن عبيد ابن خلف الخزاعي أبو نجيد أبو بنون وجيم مصغر ويعني صحابي ابن صحابي أسلم عام فتح خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. Donc ici, le cheikh, il explique le hadith. Il est rapporté selon Imran ibn Hussein que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui avait dans sa main, ou dans son poignet, un bracelet en cuivre, un bracelet en cuivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question, qu'est-ce que ce bracelet? Pourquoi tu portes ce bracelet? Il a dit, min al-wahina, c'est-à-dire pour me préserver de certaines maladies ou de certaines choses. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, enlève-la, retire-la tout de suite, car elle ne va te t'augmenter en maladie. Hein? Elle ne va que t'augmenter en maladie. Et il dit, et si jamais tu mourais alors qu'elle était sur, il était sur toi ce bracelet, tu n'aurais jamais de succès. Tu n'aurais jamais le succès dans l'au-delà. Alors, hein, ce hadith, le cheikh il l'explique. Il dit, هذا حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر ولم يسمي هذا الرجل ولكن جاء في رواية أخرى أن هذا الرجل هو عمران نفسه رضي الله عنه رأى رجلا في يده حلقة والحلقة ما أحاط بالشيء من صفر أي من مادة الصفر وهو نوع من الحديد معروف فقال ما هذه سأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤال استنكار ما هذه الحلقة أي لأي غرض اتخذتها قال من الواهنة نوع من المرض أي أنها تقيني من مرض الواهنة ما كانوا يفعلونه في الجاهلية على ما كانوا يفعلونه في الجاهلية وهذا اعتقادهم أن من لبسها لا يصيبه هذا المرض فالرجل يعني بين الغرض من لبس هذه الحلقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها انزعها من جسمك انزعها من عقيدتك انزعها نزعا حسيا ونزعا معنويا فلا تعتقد فيها والتعليل أنها لا تزيدك إلا وهنا يعني ضعفا في الجسم وضعفا في العقيدة وتبقى دائما في وهن وفي ضعف وتتوقع كل مكروه لأنك لم تعتمد على الله عز وجل ولم تتوكل عليه فالذي يبتلى بهذه الأشياء تجده دائما خائفا وجلا في كل شيء يتوقع الشر من كل شيء وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تزيدك إلا وهنا الذي يتعلق بغير الله دائما في قلق وفي ضعف وفي خوف أما الذي يتوكل على الله فإنه يكون قويا ثابتا شجاعا يعتقد ويؤمن بأنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له ويكون قويا ثابتا شجاعا مرتاح النفس والعقيدة قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. Donc on va traduire jusqu'ici et après on continuera la suite inshallah. Donc ici le cheikh il explique le hadith de Imran ibn Hussein qui est rapporté selon son père que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme avec un bracelet en cuivre dans sa main. Il n'a pas nommé cet homme ici dans ce hadith, mais il y a une autre narration qui est rapportée qui indique que cet homme-là, c'était Imran lui-même. Hein? Et il dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme avec un bracelet en cuivre. Et al-halqa, c'est ça, c'est toute chose qui encercle quelque chose. En arabe, halqa, c'est un cercle. Hein? Ou bien quelque chose qui est de forme circulaire, comme un collier, un bracelet, ou quelque chose comme ça. Et il dit, min sofrin, c'est la matière qu'on appelle, yani, le cuivre, c'est une sorte de métaux. Ça fait partie des métaux. Hein? Le cuivre, c'est une couleur un peu rouge, là, comme ça. Hein? C'est du métal un peu rouge. Hein? Donc, il portait orange ou rouge. Il portait ça dans son poignet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ça. Il a dit, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu portes ça? Hein? Donc, il pose cette question comme si d'une manière à réprimander la personne. Comme si pour lui dire, pour quelle raison as-tu porté ce bracelet-là dans ton bras? Pourquoi? Parce qu'il sait que dans la djahiliya, les Arabes avaient l'habitude de mettre ce genre de bracelet-là pour se protéger contre des maladies. Alors quand il voit le sahabi avec ce genre de bracelet dans son bras, il lui pose la question pour confirmer premièrement qu'est-ce qui se passe, pourquoi il porte ça. Et ça montre en même temps aussi la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il ne l'a pas directement accusé d'avoir porté quelque chose qui n'est pas correct. Il lui a demandé qu'est-ce que c'est en premier. Une fois que tu confirmes ce que la personne fait et pourquoi elle le porte, à ce moment-là, là, tu peux commencer à faire ton travail de lui expliquer qu'est-ce qui n'est pas correct avec ça. Mais tu ne dois pas tout de suite sauter à la conclusion du premier coup. Parce que des fois, il y a beaucoup de gens, malheureusement, ils font ça. Ils vont voir quelqu'un qui porte quelque chose et automatiquement, ils vont dire il ne faut pas porter ça ou bien il ne faut pas faire ça. Et ils ne demandent même pas à la personne c'était quoi son intention ou pour quelle raison il portait cette chose-là. À moins que la chose en elle-même soit haram. Mais ici, il n'y a rien qui indiquait de façon apparente que la chose était haram en elle-même. Yani, même si on sait qu'en islam, on ne porte pas de bijoux ou de bracelets. Si on est un homme, on ne porte pas de bijoux ou de bracelets parce que ça, c'est permis que pour les femmes. D'accord ? À la kulli hal, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a posé la question et effectivement, le sahabi, il a répondu. Et il a dit... parce qu'il veut savoir pourquoi il porte ça. Il lui a dit, « Min al-wahina ». Al-wahina, c'est une sorte de maladie qui existait. Et donc, il dit, « Je porte ce bracelet-là pour me protéger contre cette maladie-là, comme les gens le faisaient dans la jahiliya, avant l'islam. » C'est-à-dire qu'eux, ils croyaient qu'en portant ce bracelet-là, cette maladie ne pouvait pas les atteindre, ou ne pouvait pas leur toucher. Alors, il a expliqué son intention, le but, pourquoi il avait porté cet objet-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout de suite lui a dit « retire-la ». Et le cheikh, il explique que quand il dit « retire-la », ça ne veut pas seulement dire « retire le bracelet de ton poignet », mais ça veut également dire « retire ce bracelet de ta croyance aussi ». Retire ce bracelet de façon concrète et également de façon abstraite, de façon symbolique, retire-la de ton cœur. Et c'est la même chose aussi pour les idoles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas commencé par le fait de prendre un bâton pour casser les idoles. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que ça ne sert à rien de les casser si les gens croient toujours en ces statues-là. Donc, il les a cassées dans leur cœur avant de les casser dans la réalité. Il a cassé l'idolâtrie dans le cœur des mouchriquins en premier, en leur clarifiant la croyance du tawhid, en leur expliquant l'unicité d'Allah. Et une fois que les gens ont compris l'unicité d'Allah, ça devient facile par la suite de pouvoir casser ces statues et d'être certain qu'ils ne vont plus les reconstruire par la suite parce qu'ils ont détruit ça dans leur cœur. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens... ils veulent détruire les statues que les gens adorent en dehors d'Allah. Ils veulent détruire les tombes que les gens adorent en dehors d'Allah. Détruire les mausolées dans lesquels les gens ont enterré des awliyas ou des saints. Parce que c'est contraire au tawhid. Mais les gens ont toujours ce shirk dans leur cœur. Ce qui fait que même si on les détruit, ils vont les faire reconstruire tout de suite après. Donc, ça ne sert à rien. Il faut commencer par la da'wah. Il faut commencer par la da'wah. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Donc ici, il lui a expliqué, retire ce bracelet parce qu'elle ne va t'augmenter qu'en faiblesse. Elle ne va t'augmenter qu'en maladie. Et donc, le cheikh, il dit, celui qui... à cette fausse croyance de croire que cet objet peut le sauver ou l'aider ou le protéger, eh bien, ça veut dire qu'il a une faiblesse dans sa aqida. Il a une faiblesse dans son corps, il a une faiblesse dans sa croyance, Et il dit, il va donc demeurer constamment dans un état de faiblesse. Et il va toujours, il va toujours craindre que quelque chose de mal va le toucher. Hein? C'est comme si il est toujours en train d'avoir une appréhension des choses, quelque chose de mal va lui arriver. Et donc, le cheikh, il dit, c'est pour ça, la raison de ça, c'est parce qu'il n'a pas mis sa confiance en Allah seulement. Il ne s'est pas reposé sur Allah subhanahu wa ta'ala, mais il s'est reposé sur des objets qui n'ont aucun pouvoir. Hein? Ce qui fait qu'il devient faible. Hein? Et il est faible en lui-même. Donc, celui qui a été éprouvé par ce genre d'objets ou ce genre de croyances, il va toujours avoir peur. Il est toujours dans la crainte. Hein? Et il pense toujours qu'il y a un mal qui va lui arriver. Et c'est ça la signification ici lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « C'est celui qui porte ça, ça ne va faire qu'augmenter sa faiblesse. » Parce qu'il accroche sa croyance en autre que Allah. Donc il est toujours dans des angoisses. Hein? Il est toujours dans du stress. Il est toujours dans la faiblesse. Il est toujours dans la peur. Mais celui qui met sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il va toujours être fort. Il va toujours être courageux. Il va toujours être ferme. Il croit et il a la conviction que rien ne pourra le toucher excepté ce que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour lui. Donc il va être fort, il va être ferme, il va être courageux, il va être en paix dans son esprit, dans son cœur et dans sa croyance. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 51, dans sourate At-Tawbah, dit « rien ne va nous atteindre, excepté ce que Allah a écrit pour nous. C'est lui notre maître. Hein? » « قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا » Donc le cheikh, il explique ça. Mais nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On va continuer au prochain cours, incha'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته